Finalement, pourquoi est-ce que tu fais un podcast sur l'école ? Bienvenue sur le troisième épisode des expériences d'école. Pour ces deux prochaines diffusions, nous avons décidé de procéder à nos propres entretiens. Cette semaine, c'est Charlotte qui nous parle de sa trajectoire au sein de l'école. Charlotte est blanche, d'un milieu social ouvrier, et ne se retrouve dans aucune catégorie d'orientation sexuelle. Elle est entrée à l'école dans les années 90 dans le privé catholique. Son parcours universitaire, entrecoupé de périodes de salariat, doit nous faire conclure qu'elle n'en est toujours pas sortie. Après une année de titularisation pour devenir professeur des écoles en 2017-2018, elle reprend l'année prochaine un Master 2 de sciences sociales à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. Nous nous sommes retrouvés chez moi, à Paris, pour l'enregistrement. Comme lors de chaque entretien, on commence toujours par la même chose. Ni elle ni moi ne déroberons à la règle. Alors, à quoi ça te fait penser, le mot école ? Alors, j'ai réfléchi à cette question, comme c'est moi qui l'ai écrite. Et en fait, je saurais pas dire exactement. Très naturellement, j'aurais tendance à dire souffrance, directement. Ensuite, j'aurais dit ennui. Et finalement, je suis assez d'accord avec l'idée qu'a développée Laura sur la chose qu'il faut faire, normale. Enfin, du coup, pas normale, mais normative, qui impose une norme de pensée, de manière d'être. Voilà, quelque chose de très normatif. Mais en fait, tout ça, il faut quand même bien voir que c'est ce qui se passe à partir du moment où j'ai l'impression d'être vraiment rentrée dans l'institution, c'est-à-dire en CM1. Jusqu'en CE2, j'étais dans une autre école, et jusqu'en CE2, j'ai des souvenirs vraiment très bien de l'école, où c'était intéressant, où mes camarades et mes enseignants étaient très intéressants. J'y ai appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment un endroit très plaisant. Ce qui n'a plus jamais été le cas à partir du CM1. Jusqu'à peut-être mon entrée à l'université, ça a été du coup de la souffrance, de l'ennui, beaucoup d'ennui. Qu'est-ce que tu mets sur l'école par rapport à l'ennui et la souffrance ? C'est les professeurs, le fonctionnement de l'école ? C'est les camarades qui étaient aussi qui te faisaient souffrir et qui t'ennuyaient ou... Bah, y a un peu tout ça. C'est le jackpot. Alors... La souffrance, ça a été très dur pour moi. En CM2, j'ai vomi tous les matins avant d'aller à l'école. J'étais très angoissée. Et ça a continué vraiment tout le collège, pratiquement, jusqu'à ce que je redouble ma quatrième. Les retours à l'école, les passages à l'école étaient très durs. En CM2, tous les matins, c'était dur. Tous les retours de week-end, c'était très très dur. Les vacances scolaires... Tout. En fait, dès qu'il fallait quitter la maison, c'était très dur. Dès que tu avais une vraie transition entre l'école et... Enfin, entre hors l'école et de retour à l'école sur un temps un peu long. Bah, en fait, même une nuit. Hein. Même une nuit, de 4h30 jusqu'à 8h30 le matin, c'était quand même dur le matin. Okay. Je me levais à 6h30. À 6h30, j'étais pas bien. De 6h30 jusqu'à 8h30 jusqu'à ce que j'aille à l'école. En restant sur le même sujet, est-ce que on t'a raconté ou tu te rappelles l'entrée en maternelle ? Parce que tu dis que ça a commencé plutôt vers CM1, CM2, mais est-ce que tu te rappelles comment c'est passé, ou on t'a raconté comment s'est passée la première rentrée, genre en CP ou en maternelle, si tes parents t'ont raconté ? Alors c'est vrai que j'aurais pu demander à mes parents, mais je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il y a vraiment une différence par contre entre... jusqu'à mes 3 ans, je ne parlais pas du tout. Par contre, je suis rentrée en maternelle et là, je suis devenue une vraie pipelette. J'avais plein de choses à raconter. Ça, c'est vraiment le truc qui s'est passé. Moi, j'ai de très bons souvenirs de ma petite section. On est parti à Center Parcs. voilà, c'est l'un de mes souvenirs. Il y avait mon papa qui était là. Et le truc, c'est qu'à la fin, on est parti à Center Parcs et c'est à peu près à la même époque où mon frère est né. Donc c'est pour ça que c'est pas clair, mais j'ai des souvenirs de ça. Je me souviens pas avoir été vraiment je me souviens pas que ça a été difficile en maternelle. Peut-être parce que du coup ma maîtresse était très jeune comme ma mère, et du coup je pense que la transition a été très facile parce qu'il n'y avait pas de différence d'âge. Dans mes souvenirs, c'était quand même un peu semblable, un peu physiquement. Ouais, tu t'as eu une période d'identification de ta maîtresse à ta mère, et ça a peut-être aidé la transition clairement, ça a aidé. Après, il faut aussi se dire que moi, j'ai pas beaucoup vu mes parents quand j'étais petite. Du coup, j'ai été chez la nourrice. Donc j'avais l'habitude d'être avec d'autres enfants et clairement mes parents ils me laissaient le matin et ils me revenaient me chercher le soir. Donc j'allais juste d'un endroit à un autre pour être gardée. Sauf que je faisais plus d'activités à l'école. Donc ça devait probablement être plus intéressant. Et c'est peut-être pour ça que j'avais plus de choses à dire aussi. Ça c'est pour la maternelle et après jusqu'en... jusqu'en CE2 j'ai vraiment... j'étais contente de retourner à l'école. C'était vraiment... c'était bien parce que je savais que j'allais apprendre plein de choses. Et ça, c'était le bonheur. Et c'est quoi? C'est la transition dans la nouvelle école qui t'a fait... Ouais. Mais je me souviens que mes camarades... Et que j'avais trouvé mes camarades et ma maîtresse bête. D'accord. Et je me souviens que je m'ennuyais beaucoup, surtout. En CM1, je faisais beaucoup de choses que j'avais déjà faites en CE2. Et du coup, j'étais pas du tout stimulée. Vraiment, c'était l'ennui. En fait, il y avait une différence de niveau entre mes deux écoles. Au départ, j'étais dans une école de centre-ville et ensuite, je suis passée dans une école de quartier. Et du coup, même si les deux établissements étaient des établissements du privé, l'établissement du privé de quartier avait un niveau plus bas. Et du coup, ce que je faisais en CM1, je l'avais déjà fait. Enfin, je m'ennuyais beaucoup. Ça allait pour venir parce que je me souviens avoir pris sur moi, et puis j'en ai parlé récemment à mon psy, que le CM1 ça a été une période où j'avais choisi entre guillemets de changer d'école parce que c'était soit je mangeais à la cantine et je restais dans mon école, soit je ne mangeais pas à la cantine et je changeais d'école. Je n'ai pas voulu manger à la cantine, j'ai fait des essais, ça a été un très gros dilemme parce que c'était vraiment très dur. Et du coup pendant un an j'ai vraiment je suis allée à l'école, je faisais bonne figure et en fait je pense que c'est ce qui s'est passé en CM2, j'ai figé ça à l'époque sur ma maîtresse qui faisait très peur et en réalité je pense que c'est vraiment globalement toute l'année passée qui s'était pas très très bien passée et que j'ai en fait je pense que c'est l'accumulation du CM1 qui s'est redéversée sur le CM2 associée à cette maîtresse qui faisait peur. Et la continuité dans cet établissement avec des camarades que j'estimais pas vraiment. Voilà. Et aussi avec très peu d'amis parce que j'avais pas. En même temps, j'avais pas envie d'être très amie avec mes camarades. Okay. Voilà. Tu penses que ton redoublement de ta quatrième, qui va arriver plus tard, est dû aussi par rapport à ces ressentis que tu as à l'école, de la manière dont tu as du mal à y retourner. Et même au final, tu as quand même changé pas mal de fois de bifurcation sur tes études supérieures avec un moment que t'as fait en correspondance. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ça, sur la longue durée, même si t'avais peut-être pas les mêmes réactions physiologiques? Ah mais je pense que ce podcast est une réaction sur la longue durée. Donc oui, clairement ça a énormément joué, le fait que pendant, du coup, 8 ans, j'ai été dans un endroit où j'étais bien, et qu'ensuite on m'arrache de cet endroit. Enfin, tous les choix réels que j'ai eus, et c'est pas... c'est arraché au sens... dans un terme un peu psychanalytique, plus qu'un vrai arrachement physique. Le fait de pas avoir trouvé ma place jusque ma première quatrième, de l'avoir un peu retrouvée quand j'ai redoublé, et un petit peu à l'université du Havre, après, il y a quand même ce... Enfin, j'en veux énormément. Bah, je sais pas qui. à l'institution, peut-être. À moi, mes parents, mes enseignants, je sais pas. De ce moment où j'ai vraiment. Où j'ai pas trouvé ma place. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup changé. J'ai jamais vraiment changé d'études. J'ai changé d'université. J'ai eu globalement la même réaction en CM2. Du coup, à la fin d'un cycle important, j'ai refait la même chose quand j'étais en fin de licence, avec cette peur d'aller à l'école. Là, c'était vraiment une grosse phobie, hein. J'arrivais pas du tout à y aller. Je pleurais, j'étais incapable de prendre le métro, j'étais en crise de larmes devant mes salles de classe. Enfin, c'était vraiment pas possible, je pouvais même pas envoyer un mail pour prévenir de ma situation. Et j'ai aussi eu cet aspect de mise en difficulté. À la fin du cycle de lycée, qui est en terminale, j'ai décidé de travailler. En terminale, j'ai eu deux travails en même temps, que j'ai passé mon bac. Bon, j'ai fait ça parce que j'avais eu des bonnes notes en première. Mais il y a aussi eu cette mise en difficulté. Tu suivais tes cours et tu avais deux boulots à côté, en plus des cours pour, pendant l'année du bac. C'est ça, je travaillais le week-end chez des personnes âgées. J'allais les visiter à chaque repas, je faisais les levées, couchers et repas. Et la semaine, j'allais garder le fils d'une des infirmières avec qui je travaillais. Enfin, le petit-fils d'une des infirmières avec qui je travaillais. Je faisais ça 2-3 soirs par semaine, je crois. Donc ça commençait à faire beaucoup plus mon année de terminale où j'étais quand même censée travailler pour avoir mon bac. T'as eu ton bac ? J'ai eu mon bac, avec une mention. Ouais, c'était pas trop... Ça a peut-être permis d'avoir tout ça en même temps, ça a peut-être permis de surmonter le bac sans trop de soucis au final. Oui, non, mais voilà, mais il y a toujours ce truc de mise en difficulté que je n'ai pas eu au collège parce que j'étais encore dans cette année de redoublement, je pense. Quel est ton ressentiment au final sur l'école ? Ah, globalement, moi j'ai pas du tout aimé. Ouais ? Pas du tout, parce que j'ai. Vraiment, il y a beaucoup d'ennuis. En fait, je comprenais ce que je faisais. J'ai jamais su apprendre, donc ça, c'était quand même très compliqué pour la restitution de connaissances. J'aimais beaucoup réfléchir. Vraiment, dès qu'il fallait réfléchir, les débats, tout ça, c'était des choses qui vraiment, moi, me stimulaient beaucoup. Mais dès qu'il fallait apprendre une leçon et la ressortir, ça, j'en étais incapable. Comme c'est globalement ce qu'on m'a demandé le long de toute ma scolarité. Évidemment, je n'ai pas beaucoup aimé l'école. Si tu devais associer les différents niveaux de scolarité à des sensations, à des émotions, ça serait quoi pour la maternelle ? On va faire ça dans l'ordre. Alors, je me souviens très peu de ma moyenne section. Grande section, je me souviens, j'apprenais des trucs de dingue. C'était incroyable parce que bah, du coup, c'était le début où on commence vraiment à coder. Et j'ai des souvenirs de ça où je me sens la reine du monde, quoi. Donc, je sais pas, un sentiment de fierté, de joie. Il y avait vraiment, en fait, pour une fois, je sentais que le savoir me permettait d'agir sur l'environnement. Et ça, c'était le bonheur. Et je pense que ça, en fait, je peux même le faire jusqu'en CE2. Globalement. Parce que le CP, c'était la continuité de la lecture, donc c'était le bonheur. Le CE1 sur cette prise, j'ai fait mon CP et en CE1 on était en CP CE1. On n'était que 7 élèves de CE1 qui avaient été choisis par la maîtresse pour être en double niveau parce qu'on était autonome, que voilà, pour nous stimuler encore plus. Donc il y avait encore ce truc où moi le CE1 j'ai beaucoup aimé. À un moment il semblerait que j'ai fait une crise de surmenage parce que je me mettais trop la pression. Il devait être, je pense, 18 CP et 7 CE1. Donc on était, voilà, on était un peu les mentors. Et puis comme c'était nos camarades, on était aussi... Oh, on était les grands, les CE1, ils savaient déjà lire. Donc ça reste encore ce truc. En plus, l'idée de l'action sur l'environnement, elle est d'autant plus forte en CE1. Et en CE2, je me souviens que j'ai fait beaucoup de sciences. Et les sciences, c'était super. L'électricité et tout ça, c'était pareil. Des savoirs sur l'environnement, du coup, c'était vraiment très stimulant. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc jusqu'en CM2, je pense que... CE2. C'était très stimulant. Je dirai ensuite pourquoi j'ai fourché. En CM1, je pense que c'était beaucoup d'ennui. Et du coup, de la souffrance, parce que là, je me suis retrouvée dans un système d'évaluation de connaissances. Alors, en CM2, malgré... les vomissements et tout, j'avais une maîtresse, une très vieille maîtresse qui partait à la retraite, qui devait partir à la retraite l'année d'avant, qui est restée parce que c'était une indécrottable. Elle était vraiment très vieille école, ça n'a pas été tous les jours très facile, étant donné que moi j'étais toujours pas dans ce truc de connaissances, il y a eu des moments très durs où j'étais avec elle le midi pour qu'elle me refasse travailler. Moi qui savais très bien lire, elle m'avait refait faire de la lecture le midi parce qu'elle trouvait que je ne lisais pas assez vite. Où je lisais encore avec mon doigt, du coup il y a eu vraiment un truc au niveau de la confiance en soi. Mais cette même année, j'ai fait le concours de la résistance, qui du coup est un concours d'histoire où on travaille et par groupe et individuellement sur une thématique qui a été proposée. Et du coup, la classe a gagné le premier prix et moi individuellement j'ai aussi gagné le premier prix sur les départements. Et ça nous a pris une énorme partie de l'année et c'était vraiment quelque chose de très stimulant. Parce que la partie individuelle, c'était un truc de dissertation. C'était est-ce que vous auriez été résistant, voilà. Et moi, j'étais très Jean-Jacques Goldman à cette époque-là. Et je crois que j'ai parlé de si j'étais née en 17 à Leinenstadt. Enfin, vraiment, la gamine un peu jetée du bocal. Donc, du coup, le CM2, c'était un peu mi-film, mi-raisin. Et après, du coup, j'ai réussi à aller en 6e anglais plus. Sauf que, bah, en fait, la différence de niveau était vraiment trop forte. Et en 6e, j'ai été très nulle. Je pense que je devais être l'une des pires élèves de ma classe. Donc, c'est pas du tout l'anglais plus qu'on s'imagine avec les grands intelligents. Pas du tout. Donc, la 6e, 5e, 4e, là, j'ai subi. Clairement, je suis dans un truc un peu d'ennui. D'ennui et de souffrance, parce qu'en plus il y a la découverte d'une autre classe sociale, parce que du coup mes parents ont considéré l'enseignement privé comme une sortie à leur niveau social, du coup pour éviter ce truc de reproduction sociale, de classe ouvrière. Donc là je me suis aussi retrouvée du coup, parce que les élèves qui sont en 6e anglais plus, c'est pas généralement les élèves d'ouvriers, donc j'avais aussi beaucoup ce décalage dans ma manière d'être. Parce qu'en primaire, on s'en fiche un peu, en sixième, les amis, entre guillemets, que j'avais étaient un peu... Je me souviens d'une élève qui m'avait dit, qui je suis sûre une adulte super, hein, mais quand on est en sixième, on est un peu débile, qui m'avait dit, de toute façon, moi, je peux pas être amie avec toi parce que t'as pas de bonnes notes. Bah, dis donc, c'est quand même un peu restrictif sur ma personne, hein, parce que... Donc, il y a eu un peu ce truc-là, et je pense que par esprit de contradiction, j'ai dû décider que j'aurais pas de bonnes notes, de toute manière. Et j'ai continué à pas avoir de bonnes notes en 5e et en 4e. Donc ça, c'est de l'ennui, de la souffrance. Un peu un truc comme ça. Après, j'ai redoublé. Ma 2e, 4e et ma 3e, là, c'est la découverte des vrais amis. Du coup, enfin, ma première 4e aussi, parce que j'avais des amis qui étaient en 3e, qui étaient super. Et t'es restée dans le même collège avec ton redoublement ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Et justement, en plus, quand j'ai redoublé, ils m'ont proposé de passer en espagnol plus. D'accord. T'as fait l'anglais plus jusqu'en quatrième? Non. Anglais plus, à la fin de la sixième, ils voulaient plus de moi, j'étais pas assez bonne. Grosso modo, ce qui a été dit à mes parents, et ce qui m'a été dit à moi aussi, c'était que... Voilà, j'étais pas une mauvaise élève, mais je serais bien dans une classe avec un niveau normal, quoi. Pas avec un très bon niveau. Donc cinquième, quatrième, j'ai été à chaque fois dans la cinquième et la quatrième pourrie. Surtout la quatrième pourrie, il y avait beaucoup de redoublants. J'étais une bonne élève alors que j'avais 10 de moyenne pile avec des 8 et des 7 en maths et des 18 et des 16 en musique et art plastique et en sport. Et du coup j'ai redoublé et je suis passée en espagnol plus en 4e et en 3e. Et du coup là j'ai eu ce sentiment à nouveau d'investissement intellectuel où on me demandait des choses plus compliquées. Et en plus pour moi bah, c'était bien parce qu'on me demandait plus de réfléchir et j'avais déjà fait le programme, du coup c'était facile. Donc là, j'ai rien foutu. Et j'ai découvert des amis, j'ai rencontré des amis que j'ai encore maintenant. Avec des gens aussi beaucoup plus stimulants. Parce que pareil, en 5e et en 4e, j'ai eu des amis. En 5e, j'ai eu quelques amis. En 4e, très peu. Presque pas, en fait, je crois. Parce qu'en 4e, je les trouvais pas intéressants. Et l'une des raisons de mon redoublement, ça a été que j'étais pas assez intégrée socialement. Alors que c'était vraiment un choix pour moi. Parce que je me suis dit, mais en fait, on n'a rien en commun. On n'écoute pas la même musique, on lit pas les mêmes livres. Enfin, eux, ils lisaient pas de livres. Telle j'étais une petite prétentieuse en classe de 4e. Et après, je suis passée en seconde générale avec mes enseignants qui me disaient « Non, mais de toute façon, en seconde, tu vas te rétamer. » Donc seconde, pareil, ça s'est très bien passé parce que le niveau était plus bas, du coup, que mon collège. Donc j'ai rien fait en seconde. Je suis passée en première. Donc là, il y a un peu eu cet écho avec le redoublement. Là, la seconde, c'était une bonne année. Je m'ennuyais beaucoup, mais pareil, il y avait des amis. Du coup, hormis les amis ça a été, l'école c'était pareil, ennuyant, un peu de la souffrance. Tu parles, ça fait 10 ans qu'on est dans le système, à un moment donné... T'arrives au bout, quoi. Enfin, ouais, voilà, on y va, quoi. Première, j'ai rencontré un ami très important, du coup, ça a été une bonne année, la première. Enfin... Ça a été une bonne année socialement. Scolairement parlant, ça a été horrible. Scolairement, on recommence dans la souffrance, on recommence dans l'ennui. On est beaucoup dans la souffrance parce que j'ai eu pas de très mauvaises notes, mais des mauvaises notes. Au conseil de classe, on m'a dit que je passais seulement si j'avais des bonnes notes au bac. On m'a aussi posé la question pourquoi est-ce que j'avais choisi une première littéraire. Bah, j'ai eu les meilleures notes jusqu'en CE2. Après les sciences, ça a vraiment été très dur pour moi. j'ai pas du tout été scientifique. Ce qui est très bizarre parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je découvre les maths et les sciences dites dures, et vraiment j'adore ça. C'est une redécouverte à... Parce que du coup, j'ai fait quelque chose de littéraire, parce que j'avais toujours eu une certaine propension vers la philosophie, déjà au collège, quand j'étais toute seule, je lisais des trucs. Des romans philosophiques, parce que pas trop compliqué non plus. Et du coup, j'avais choisi littéraire parce que je savais que c'était coefficient 8 en terminale, et je me suis dit, franchement, ça va le faire, j'aurai mon bac grâce à la philo. Et du coup, j'ai fait une première littéraire, mais j'ai fait option maths. Du coup, parce que j'ai découvert les maths en seconde, parce qu'en seconde, ça se complexifie vraiment et ça devient incroyablement intéressant, contrairement au collège. Du coup, donc j'ai fait donc en première, en fait, j'avais des bonnes notes en spécialité maths, pas en maths de première, qui sont pourtant des maths très simples, et en histoire. Donc on m'a dit, mais vous auriez dû faire un bac ES ou voire même un bac S, parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire en L. Super. J'ai eu mon bac, j'ai eu mes épreuves anticipées qui se sont très bien passées. Donc je suis passée en terminale. Et en terminale, j'ai eu la bonne intuition. Et la terminale, en fait, pour moi, c'est plus associé au travail qu'à l'école. Et l'université, globalement, à Paris 1, c'était quand même très prétentieux. C'était beaucoup d'érudition. Ce qui ne me convient pas du tout. Vu ce que j'ai dit avant sur ma restitution de connaissances. Par contre, j'ai une vraie découverte sur l'historiographie. Penser le temps historique, penser l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stimulant. Ça, c'est pour ça que j'ai continué en fait dans cette voie-là. En terminale, j'hésitais entre anthropologie, histoire, droit et philosophie. Donc on reste quand même sur quelque chose de très, très littéraire, de sciences humaines. Alors, j'ai pas fait droit pour une raison très bête, qui est que Dorian, l'ami que j'avais rencontré en première, faisait du droit et que je voulais pas être... Il y aurait jamais eu de compétition entre nous, mais il est très brillant. On a tous les deux eu notre bac, on a tous les deux eu la même mention. Lui avait des notes très bonnes à l'école parce qu'il savait se faire au système, moi non. Donc je pense que... En fait, il y aurait même pas eu de comparaison, mais... Je sais pas, je pense que pour moi, c'était bien de pas faire la même chose que lui. Et en fait, j'ai fait une licence d'histoire pour une raison très nulle, c'est que arrivé le 31 août, j'étais inscrite à aucune université, que la fac de philosophie était à Rouen, que du coup, je n'avais pas d'appartement, qu'il n'y avait pas d'anthropologie, ni au Havre, ni à Rouen, qu'il y avait seulement une fac d'histoire. Je me suis inscrite. Je me souviens avoir dit à ma mère, bon, je fais 15 jours, je vais voir, si ça me plaît, je continue. Voilà donc l'état de mes études supérieures. Ok. Donc voilà mon choix pour l'étude d'histoire. Et je suis restée parce que j'ai eu un enseignant qui s'appelle John Barsman. Le premier cours auquel j'ai assisté à l'université, c'était un cours sur l'année 1917. Et il nous a dit, texto, vous êtes en première année, il faut pas faire trop compliqué, vous sortez du bac. J'ai décidé de vous faire un cours que sur l'année 1917, comme ça vous n'aurez aucune chronologie à apprendre. Et du coup je me suis dit, oh, bah dis donc, je vais rester en fac d'histoire. Puis après il a fallu que j'apprenne plein de dates. Mais ça a formé ma pensée et c'était, je crache pas du tout là-dessus. T'es resté sur vraiment l'histoire sur pendant 6 ans Un peu plus, hein. 7 ans presque. Non, 6 ans. 6 ans. 6 ans et après j'ai fait mon master d'histoire. Mais du coup qui est un master... Mais c'est un master de recherche. Oui, et c'est un master d'anthropologie historique mêlé à la sociologie. Enfin, voilà. Je sais pas si tu comptes ça là-dedans. Mais j'ai l'impression que le fait de rentrer à l'EHESS, tu voulais y rentrer, mais le passage du concours et tout ça, tu l'as fait, bon allez, vas-y, je le fais, et tu l'as fait dans l'enchaînement en te disant, bon, je verrai bien comment ça va se passer, mais t'as fait la même chose l'année suivante sur le concours pour devenir professeur. Mais au final, t'as réussi les deux. Tu veux dire l'EHESS et le concours? Ben oui, les deux, oui. Dans les deux sens... Même si le HEC, oui. Ça fait longtemps que tu disais que tu aimerais, à un moment, t'as dit, bon, allez, vas-y, je le tente. Et tu l'as eu. Ah, parce que j'ai un ami qui a fait le HESS et qui me l'a vendu, alors qu'il était déjà vendu dans mon cœur, parce que en première année quand on t'explique quelle recherche est faite dans quel type d'établissement de recherche. Et, moi, on m'a parlé de l'EHESS, je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire de ma vie. Cet ami y a été, il m'a dit, mais écoute, c'est un ami que j'ai rencontré à Paris. Hein. Donc c'est aussi un ami qui a vu que le système scolaire, c'était pas fait pour moi. Enfin, que, en tout cas, j'étais pas faite pour le système scolaire, ou je sais pas dans quel sens il faut le prendre. Comme j'ai un ego surdimensionné, je dis que c'est le système qui est pas fait pour moi. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus libre, avec des séminaires de recherche où la pensée a vraiment une place. Et moi, comme je sais que c'est ce qui m'a manqué tout au long de ma scolarité, je me suis dit peut-être que justement, ça me permettrait aussi de sortir de cette idée que j'ai des études qui sont en dents de scie, même de toute manière, ou pas, même s'il n'y a pas eu d'espace temporel entre chacune de mes classes, de l'école primaire jusqu'à la terminale, ça a quand même été globalement en dents de scie, avec de très bonnes années, de très mauvaises. Ça m'a aussi permis de sortir de cette idée que, bah, en fait, j'étais jamais très mauvaise, mais non plus jamais très bonne, et que j'étais jamais vraiment très capable, de me sortir aussi de cette représentation que j'avais de moi-même au niveau de ma productivité et de ma capacité d'action. Du coup, le HESS m'a permis de voir que, déjà d'une, j'avais une capacité d'action en ce qui concerne la pensée. Voilà. Et ensuite, il fallait aussi que je voie ma capacité d'action. J'ai passé le concours pour être prof. Par hasard. Est-ce que t'as un ou plusieurs moments qui ont été vraiment extrêmement marquants dans ta scolarité ? Alors, sur du long terme, il y a en effet à chaque fois le passage CE2-CM1 avec le changement d'école, le redoublement en quatrième. Un truc impactant, vraiment, qui... ma deuxième, troisième année à Paris. Je pense que de tout ce que j'ai fait, celui-là a vraiment été très très dur. Donc comme je l'ai dit, j'étais complètement en phobie scolaire, ça a été très très dur pour moi. J'ai réussi, parce que je suis allée à l'hôpital psychiatrique du Havre pour me demander de me donner des médicaments, enfin un truc pour essayer de vivre un peu correctement, enfin de vivre tout court en fait, avant même de vivre correctement, et de pouvoir réviser mes examens pour pouvoir passer ma troisième année, que j'essayais malgré tout de réviser de chez moi. En fait, quand j'y pense, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir travaillé pendant cette année, mais c'était plutôt de la lutte, de la survie pendant un an. Je me présente aux examens, j'arrive à aller à Arcueil, défoncé au Xanax, dans un super état, je passe mon examen. Je vais voir les gens qui surveillent, j'explique ma situation. Une dame très gentille me dit qu'elle va s'occuper... que j'envoie un mail et qu'il n'y a pas de souci, que je pourrais passer les examens. Parce que du coup, je ne me suis pas inscrite. Il fallait inscription administrative, je sais pas, enfin, de la paperasse, quoi. Et il y a aussi le directeur de l'UFR de Paris, hein, qui du coup me dit « Non, c'est pas possible, fallait vous inscrire, vous passerez au rattrapage. » Évidemment, je suis très sensible à cette époque-là, et je le suis encore maintenant, donc je vais peut-être pleurer. Me dit ça. La dame ensuite revient me voir et me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez envoyer un mail, on va parler de vous. Évidemment, je me mets à pleurer, je suis complètement en panique parce que je me dis que je les aurai jamais si j'ai qu'un seul essai. J'envoie un mail, je prends sur moi, je me souviens, j'ai ma mère au téléphone pour pouvoir écrire le mail. J'envoie un mail, j'ai une réponse de cette personne, de l'homme, du directeur de l'UFR, qui me dit que j'ai de la chance qu'il vaille bien que je passe les rattrapages. Et que si j'avais été vraiment mal, j'aurais quand même pu trouver la force pour envoyer un mail. T'as envoyé ton papa le taper ce... Non. Ça allait déjà pas. Ensuite, j'ai fait de la grosse saute d'humeur très rapide. Avec 10 minutes où j'allais très bien et 2 heures où ça allait pas du tout. Je suis allée à l'hôpital en demandant qu'on fasse quelque chose. Et là, j'ai demandé à être internée. J'ai révisé mes examens en étant internée, en étant sous Xeroquel. Donc un thymorégulateur pour réguler les humeurs, quelque chose, on m'a prévenu que ça me ferait perdre la mémoire. Donc malgré ça, je révise mes examens, j'arrive à réviser qu'une seule matière. Parce que du coup, j'avais quand même validé quelques autres matières dans l'année d'avant. Enfin non, j'avais validé deux matières, je crois. Donc voilà. Je fais ça. Merci. Et je vais à mes examens. Et je dis seulement à un enseignant ce qui s'est passé. Les autres, je leur dis pas. Je dis que voilà, j'avais pas été inscrite. Je n'ai pas mon année à 9,97 et je n'ai pas de point de jury. Et du coup, je triple ma troisième année. Quel connard, putain. On est sur de la bienveillance. Mais c'est l'université, du coup, ça ne compte pas. Voilà, c'était un événement marquant. Non. J'ai malgré tout validé toutes les autres matières. Après mon internement, je décide de partir à Strasbourg et je décide de me réinscrire à Paris 1 pour n'avoir à valider que l'histoire romaine. Je n'arrive pas à retourner à Paris pendant plus d'un an parce que ça a été vraiment très traumatisant. Et donc je n'arrive pas à valider cette année-là et je décide de m'inscrire plus tard à Strasbourg. À l'université de Strasbourg, ils me font repasser tout un semestre qui s'est très bien passé, qui était très intéressant. Et j'ai vraiment. Je conseille à qui veut faire une fac d'histoire d'aller à l'université de Strasbourg parce que vous êtes très bien formés, les enseignants sont très intéressants. Vraiment, si j'avais fait ma licence là-bas, j'aurais eu ce que j'attendais en rentrant en licence, c'est-à-dire rencontrer des gens et des enseignants. Très stimulant, très intéressant. Il y en avait quelques-uns au Havre, et il y en avait aussi à Paris, hein. Je ne dis pas du tout. Mais la formation strasbourgeoise est vraiment incroyable. C'est d'une qualité. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un article du Monde qui disait que c'était la meilleure formation française en ce qui concerne l'histoire. Partez tous à Strasbourg. Et finalement, après la licence qui m'a redonné le courage, l'analyse, je suis revenue à Paris pour faire mon rêve qui était de rentrer à l'HESS. Et donc le HESS, ça veut dire quoi ? École des hautes études en sciences sociales. Où du coup, il y a plusieurs départements, département d'histoire, département d'études de genre, anthropologie, philosophie. Alors c'est espace, c'est pas géographie, c'est... études de l'espace, je crois. Voilà, plein de départements, plein de choses extrêmement intéressantes. Avec des gens extrêmement intéressants. Que penses-tu de l'autorité au sein de l'école ? Comment tu interprètes l'autorité par rapport au professeur que tu as pu avoir dans ta scolarité ? Alors moi, j'ai toujours donné l'autorité à partir du moment où, pour moi, un possesseur de savoir a de l'autorité. Si tu possèdes le savoir, je te respecte immédiatement. Peu importe, parce que tu as des choses à m'apprendre. Peu importe que tu sois bienveillant et peut-être même trop dans la gentillesse, trop à pardonner, si tu possèdes le savoir, pour moi, l'autorité, elle vient uniquement d'ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu très peu de problèmes d'autorité en fait dans ma scolarité. Il y a eu une enseignante malheureusement, celle de CM1, du coup je ne lui donnais pas du coup cette autorité. Pourtant ça s'est jamais vu parce que j'avais 9 ans et à 9 ans j'étais pas... voilà. Mais en règle générale, j'ai à peu près pris tous mes enseignants comme ayant du savoir. Donc pour moi, à partir du moment où ils ont du savoir, la question de l'autorité, elle se pose même pas. Elle est innée. Et je pense, enfin, et ça aussi était un problème quand moi j'ai été enseignante. Pour moi, à partir du moment où je possédais le savoir, je ne voyais aucune raison de faire de l'autorité. Je suis restée dans un truc très enfantine qui, je pense, est très positif. Qui est que je suis toujours en quête de savoir et du coup, si quelqu'un peut m'en apporter, je vais immédiatement le respecter. Et je considère de toute manière que tout le monde peut m'en apporter. Du coup, cette question du respect et de l'autorité, elle est très vite évincée en fait chez moi. Je sais qu'elle est très importante pour plein de gens parce que souvent elle est considérée comme étant mal acquise ou mal utilisée. Moi, si en face de moi on me donne quelque chose, et comme je peux aussi en donner, cette question en fait. Et ça me fatigue un peu d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui on dit tout le temps qu'il y a un problème d'autorité au sein de l'école. Je pense qu'il y a un problème de réception beaucoup plus qu'un problème d'autorité en fait. C'est pas... Moi je suis persuadée que tous les enfants adorent apprendre. Et qu'on casse quelque chose à un moment, et c'est pour ça qu'on a ce problème d'autorité. Si on casse pas ce quelque chose, évidemment, enfin, moi je pense que je vais apprendre jusqu'à la fin de mes jours et je respecterai toute personne qui peut m'apprendre quelque chose, même si je suis en désaccord avec elle. Ça n'empêche pas le désaccord. Cette autorité que je donne n'empêche pas le fait que, bah oui, peut-être que tu penses comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi, on peut en parler. Et tu ne me donneras pas ce que tu crois, mais par contre, tu me donneras les raisons pour lesquelles tu crois ça, et du coup, je te comprendrai mieux. Je comprendrai mieux ce système de raisonnement. Et il y a, parce qu'il y a d'autres adultes qui évoluent dans, au sein de, des écoles, des CPE, des pions, des directeurs, et comment tu interprétais leur autorité par rapport, parce que eux ils n'ont pas un savoir à t'apporter, donc comment tu ressentais l'autorité qu'ils avaient au-dessus de toi en étant des adultes? Bah je la ressentais pas des masses. Je respectais l'ordre établi parce que on m'a montré que c'était pour le bien vivre ensemble, donc je respecte les choses. Par contre, et ça j'avais complètement oublié ces souvenirs, mais jusqu'à mon redoublement, je traînais beaucoup dans les couloirs et j'ai fait plein de recoins cachés de mon collège. Parce qu'en fait, ça, je savais que ça troublait pas l'ordre public. En fait, c'est ça. C'est l'idée de... Il y a un ordre public. Je ne le trouble pas parce que je suis dans les couloirs et que... Franchement, je suis allée dans les caves, enfin dans les trucs. Quand j'y pense, c'est pas normal de m'avoir laissé faire ça quand j'étais en 5e. j'étais beaucoup dans les couloirs et j'étais pas... tant que je ne dérangeais pas, j'avais un peu peur de me faire gronder, mais je pense que c'était plus une peur vis-à-vis de mes parents, de ce qu'il fallait que je ramène. Mais en soi, mon CPE et mes pions, ça n'a pas été... j'ai pas du tout, en fait, c'est vraiment des figures d'autorité sur vraiment différents plans. Et en plus, comme j'étais toute seule, je troublais vraiment pas l'ordre public. Mais c'est plus l'institution qui représentait l'autorité, plus que des personnes en physique. C'est-à-dire plus l'institution? Non, c'était... Je sais pas si ce que t'appelles institution, ça peut être, tu sais, le petit règlement intérieur qu'on te fait signer. L'institution, parce que évidemment, je ne vais pas écrire sur les tables parce que d'autres personnes en auront besoin. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai très vite acquises de respect du matériel, respect des individus, parce que de toute façon, j'avais envie qu'on me respecte. Donc voilà, ça, je pense que c'est des choses que j'ai dû beaucoup apprendre à l'école primaire. Je m'en souviens pas. Mais en fait, peut-être que c'était ça, tout ce que j'ai fait en moyenne section. Parce que je m'en souviens pas, et je pense que je l'ai tellement pris comme inné, parce que j'ai pas de souvenir qu'un professeur m'ait mal parlé. Par contre, j'ai des souvenirs de professeurs qui avaient mal parlé à des élèves, ce qui m'avait clairement révoltée. Enfin non, en fait non. Aujourd'hui, ça me révolte. Je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment... j'étais dans un truc... Est-ce que tu ressentais une différence entre l'autorité qu'on exerçait sur toi, chez toi, et l'autorité qu'on exerçait sur toi à l'école? Ah, c'est pas la même nature d'autorité, hein. Clairement. Chez mes parents, il y avait un truc très normatif avec cette idée. En plus, je suis une fille, alors du coup, les filles, ça doit pas bouger. Je dirais pas que ça doit pas penser, parce que c'était pas comme ça quand même chez moi. Voilà, je devais pas faire de vagues. Je pense que j'ai mis ça à l'intérieur de l'école. Fallait pas que je fasse de vagues. Mais l'autorité, chez mes parents, était naturelle. À l'école, était rationnelle. Comme elle était rationnelle, je la vivais beaucoup mieux. Parce que j'ai vraiment pas eu de problème d'autorité à l'école. Par contre, j'ai eu des problèmes d'autorité chez mes parents. Tout dépend d'où elle vient. L'autorité par rapport à tes camarades. Bon, même si t'as été solitaire une bonne partie de ta scolarité, à partir du moment où tu t'es plus sociabilisé, est-ce que t'as ressenti une différence de comportement entre différents élèves au niveau de l'autorité? Alors j'ai l'impression que justement, à l'époque où j'étais solitaire, c'était parce que je refusais de m'associer à ces rapports d'autorité. Parce que clairement, les rapports d'autorité entre les élèves, avant que je me sociabilise, ils existaient très clairement. Il y avait vraiment un chef de groupe, un truc... Et surtout à l'intérieur de la classe, celui qui a l'autorité au sein des élèves dans la classe, c'est souvent celui qui répond à l'enseignant, c'est... Voilà. Il y a ce truc d'autorité entre les élèves, et qui me plaisait pas du tout, donc comme ça ne me plaisait pas, je ne m'y insérais pas. Et j'ai l'impression, au contraire, qu'à partir du moment où je me suis sociabilisée, c'est parce qu'il n'y avait pas de rapport d'autorité. Mes sociabilisations ont justement pris un peu le contre-pied de cette autorité. Mais par contre, oui, des rapports d'autorité entre élèves. Après, je pense qu'à partir du moment où je les voyais, je n'y prenais pas part. Et quand je pensais qu'il n'y en avait pas, je pouvais me sociabiliser, en sachant qu'il y en a tout. J'idéalise pas mes relations sociales, loin de là. Mais ouais. Tu t'es fait beaucoup d'amis pendant... À partir du moment où t'as commencé à te sociabiliser avec d'autres personnes? Alors du coup, j'ai commencé dès que j'étais en maternelle, en fait. Après, c'est une classe, quand on est petit, c'est quand même un peu bizarre, t'as pas vraiment d'amis. Si, je pense que j'avais Marion. Mais j'ai l'impression qu'elles étaient un peu un groupe de filles, et que moi, j'allais un peu partout. J'allais un peu avec les garçons, un peu avec les filles. Après, ça, c'est peut-être le souvenir que j'ai envie d'avoir. Je pense que j'étais très fine, contrairement à tout ce que je pense. Mais oui, y a pas... en fait, quand j'ai redoublé, on était 20 dans notre classe, du coup, on était très liés. C'était terrible parce qu'on était très liés et il y avait des gens qui n'étaient pas liés avec nous. Il y avait un noyau, quoi. C'était, en fait, quand j'y pense, c'était, oh, ça devait être horrible pour les personnes qui faisaient pas partie du noyau. Oh mon Dieu, je me trouve terrible. Et après, oui, après, j'ai eu des relations amicales plus ou moins fortes. Et il y en a certaines qui ont continué jusqu'ici, dont tu es la preuve vivante, d'ailleurs. Et on va parler du côté normatif de l'école. Durant ta scolarité, est-ce que tu as eu l'impression que l'institution, là, en général, de l'école, a essayé de te mettre dans un moule? Un moule de pensée, clairement. C'est pour ça que je m'ennuyais, hein. Parce que j'avais l'impression que la norme, et c'est ce qu'on dit en introduction du podcast, c'est que l'enfant n'a pas de place. Et du coup, n'a aucune place pour la pensée, aucune place pour la parole. On essaye de lui en donner une, mais déjà d'une, on la cadre tout le temps, ce qui, je pense, n'est pas quelque chose de positif à titre clairement personnel, parce que c'est comme séparer les matières. Enfin, ça me semble pareil, hein, quand même quelque chose de très pratique, mais ça n'encourage pas une pensée. Séparer la littérature de la géographie, de l'espace où a vécu un auteur, de son environnement, de l'endroit où il a écrit le livre, du résultat final, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Donc après, bon, de toute façon, il faut... on est dans une société de la connaissance, pas du savoir. Il y a quelque chose de très normatif, ne serait-ce que par la disciplinarisation des savoirs. Ça, c'est un peu l'étudiante de l'EHESS qui parle. Clairement. On est sur quelque chose de normatif dans les auteurs qu'on nous fait lire, qui sont, malgré tout ce qu'on en dit, très blancs et très hétérosexuels. Du coup, il y a aussi une norme au niveau de la sexualité, une norme dans la manière d'être, une norme dans nos représentations de ce que doit être un homme, de ce que doit être une femme, si on doit se considérer comme homme ou femme. Ce sont pas des choses forcément qui sont pensées. Je suis vraiment pas sûre que ce soit... Parce que souvent, c'est un peu le reproche qu'on fait à toutes les pensées intersectionnelles en disant « Oui, mais c'est pas pensé. » Justement, c'est parce que c'est pas pensé que nous, on doit le penser. C'est justement un vide de pensée, bah justement. On s'engouffre là-dedans et on se demande si tout le monde est représenté. Donc il y a un peu cette normativité-là. Après, il y a clairement, c'est ce que je disais sur ma quatrième, il y a une normativité sociale. On doit avoir des amis quand on est enfant. J'ai une amie qui a eu un petit garçon qui commence à être grand maintenant et qui avait très peur qu'il n'ait pas d'amis. Et pourtant, le papa de ce petit garçon et d'autres amis lui ont dit « Mais c'est pas grave de pas avoir d'amis. Tu sais, tu peux être très bien tout seul, t'es dans ta tête, tu fais tes histoires et c'est pas du tout un manque. » En fait, ça c'est quelque chose vraiment, c'est une norme sociale. La sociabilité qui, moi du coup, m'a fait beaucoup de mal parce que « Mais en fait, laissez-moi tranquille, je suis bien toute seule !» Après, au niveau de la normativité, de toute façon, est-ce que c'est possible d'être dans un établissement sans normes? Je suis pas sûre. Est-ce que par contre, on peut créer les normes avec les enfants? Beaucoup plus. Ça redemanderait une refondation totale de l'école. Hein. Je pense que j'en oublie d'autres, des normes, et quand je vais réécouter le podcast, je vais dire « Ah, j'ai oublié de dire ça !» Non, il y a aussi une norme vestimentaire très claire. Je me souviens, j'étais abonnée à l'hebdo des juniors, quand j'étais petite. Un magazine qui n'existe plus. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle Le Monde des enfants, un truc comme ça. Et j'avais toujours plein de réactions, et la seule fois où j'ai écrit au magazine, c'était sur quelque chose, sur les uniformes. Et je me souviens que je m'étais positionnée pour les uniformes à l'école, en disant que ça... Je l'ai pas dit en ces termes-là du tout, parce que je devais avoir 11 ans, mais que ça pouvait effacer les différences de classe sociale, ce qui aujourd'hui... Enfin, sauf si l'uniforme est donné par l'école, ça pourrait vraiment effacer les classes sociales. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, parce que c'est acheté par les... par les parents, et du coup c'est terrible, mais je ne pense qu'à Ron Weasley et sa robe de bal qui a été achetée d'occasion et qui date des années 70. Cette norme vestimentaire, je pense qu'elle était beaucoup plus forte que ce que je l'imaginais quand je suis entrée en 6ème, parce que quand je suis entrée en 6ème, j'avais demandé à mes parents un pantalon rose, patte d'éléphant à franges, rose plus pâle, et j'étais hyper fière de ce pantalon que je trouvais trop beau. Et je me souviens qu'il a été vu d'une manière... ça a été très bizarrement perçu, quoi. Donc je pense que cette norme vestimentaire, elle est beaucoup plus forte que ce dont j'en ai le souvenir. La classe sociale se voyait par les vêtements, par le sac à dos. Tous ceux qui ont mon âge se souviennent des Eastpak qui coûtaient extrêmement cher, je me souviens. Enfin, pour mon père, ça avait été... J'avais vraiment voulu ce sac-là et c'était... d'accord, tu prends ce sac-là, mais tu le gardes toute ta scolarité, quoi. Jusqu'en 3ème, je crois que je l'avais eu en 5ème ce sac, et c'était, il devait me faire jusqu'en 3ème, et il m'a fait jusqu'en 3ème d'ailleurs, parce que c'était un bon sac. Et tu te places comment par rapport au fait d'avoir passé le concours pour être professeur? Quelle sensation t'as eu de faire ça? Alors, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir qu'à l'EHSS, je travaille sur l'école, donc il y a toujours ce truc qui revient, hein. Voilà, je travaille sur l'école dans mon mémoire, je fais un podcast sur l'école. On est quand même sur un traumatisme assez long. J'ai passé le concours parce que j'ai reçu un mail. Depuis que je suis en 5ème, 4ème, mon père me rebat les oreilles de « Tu, toi, de toute façon, tu ferais une super instit. » Bon, je pense qu'il y avait un truc pas réglé avec mon père. Et si je travaille sur l'école, c'est aussi que je pense que l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est pleine de soucis et qu'il faudrait faire table rase et tout reprendre du départ et pas faire des petites réformes comme on en fait à chaque quinquennat, enfin des grosses réformes, pardon, comme on en fait à chaque quinquennat qui sont ensuite reprises parce que c'est plus le même gouvernement et qu'on dit « Oh, ce qui a été fait, c'est nul. » Tout ça, c'est mettre des pansements sur une jambe de bois, j'y crois vraiment pas. Je travaillais là-dessus et à un moment donné, je me suis dit, bah en fait, est-ce que le meilleur moyen de changer l'école, ce serait pas d'être enseignante dans le primaire, pas dans le secondaire, parce que j'ai été assistante pédagogique dans le secondaire et j'ai vu que c'était très compliqué de faire des choses de fond avec des élèves quand on les voit, allez, quand on est prof de français, on les voit 6 heures par semaine. C'est quoi 6 heures sur une semaine de cours où ils ont 30 autres interlocuteurs? C'est très très dur de mettre des choses en place au collège. Il faut vraiment une équipe pédagogique du tonnerre. Donc le collège où j'étais à Strasbourg, il y avait une équipe pédagogique vraiment super qui essayait vraiment de mettre plein de choses en place et tout. C'était vraiment très bien. Je suis encore un peu solitaire. Et puis je crois que j'aime bien être la femme providentielle. Voilà. C'est sur un truc d'ego. Voilà, il y a un peu un truc comme ça. Donc j'ai passé le concours pour toutes ces raisons, mais également en me disant que j'aurais pas le concours. J'ai passé les écrits parce que les écrits c'était français et maths et c'était un peu un challenge intellectuel de me remettre dans les maths et de me remettre dans le français. Donc il y avait un peu ce challenge intellectuel. Et après j'ai passé l'oral en disant que je l'aurais pas. Sauf que mes convictions politiques ont bien fonctionné vis-à-vis du jury. Comme j'ai déjà été en enseignement, je sais construire des séquences, enfin c'est des choses qui sont assez naturelles. Après je suis rentrée à l'école. Les 15 premiers jours ont été très durs, j'ai vraiment voulu arrêter. Je me suis forcée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Tu dois te souvenir de tout ça. Je me suis forcée jusqu'aux vacances de la Toussaint, ça a été très dur parce que je me voyais vraiment, vraiment comme le bourreau que j'avais été. En plus, coup du sort, je tombe sur une classe de CM1. Vous avez tous bien entendu ce qui s'est passé en classe de CM1. Donc vraiment, enfin c'est pas coup du sort, c'est... C'est le destin, ça. Donc, je tombe sur une classe de CM1. Avec tout ce que ça réanime psychiquement chez moi. Je suis affectée à Saint-Maur-des-Fossés, qui est une ville où les élèves sont de... C'était une école mixte, hein. C'est quand même une très bonne ville. Enfin, c'est une ville où les catégories sociales sont assez élevées. Donc, là, j'ai l'impression d'être le bourreau de tous ces élèves. Vraiment, je me sens... extrêmement mal. Pourtant, j'ai des câlins de mes élèves. Hein. Mes élèves sont très contents de me voir. Ils m'aiment beaucoup et ils aiment beaucoup ma collègue. J'ai vraiment... Voilà. Mais moi, je le vis très mal. J'arrive à aller jusqu'aux vacances de décembre en faisant parce que je me donne un challenge intellectuel de réussir à faire de bonnes séquences. Et puis, je commence vraiment à me dire qu'il y a quand même des choses à faire. Avec l'aide de Baptiste, je mets en place beaucoup de jeux, surtout sur l'enseignement des maths. Je découvre qu'enseigner les maths, c'est incroyable. Vraiment, c'est une stimulation intellectuelle incroyable. Sauf qu'à un moment donné, bah, je commence à faire le tour. Et je commence à m'ennuyer. Et en plus, ce truc de bourreau commence à revenir de plus en plus fort. Vraiment, c'est vraiment de plus en plus dur. À un moment donné, mon corps dit en fait, faut s'arrêter. Et du coup, j'ai fait une crise d'angoisse à l'école. J'ai eu quelques jours d'arrêt. Et puis après, c'était impossible de revenir à l'école. Et c'est toujours impossible de revenir à l'école. Là, j'ai repris mon analyse avec un autre psy. Et ça est... je parle beaucoup de l'école. C'est un peu la finalité de ce podcast. C'est vraiment, mon corps n'a plus voulu. Donc au niveau de l'autorité que je représentais, et bah voilà, je pense que psychiquement, je ne peux pas faire ça. Peut-être que dans 10 ans, hein, on ne sait pas, peut-être que dans 10 ans, je serai à nouveau enseignante. Hein. Mais là, pour le moment, c'est... il y a beaucoup trop de blessures. Et je suis incapable d'incarner une autorité quelconque. Même si l'autorité, je sais que je l'ai parce que j'aimais savoir. Et en plus, je pense que je suis une très bonne pédagogue parce que j'ai plein d'idées, vraiment, je veux tout passer par le jeu. J'ai beaucoup d'idées, mais je ne peux pas être face à des élèves et incarner une institution qui m'a rendue si malheureuse. Et je sais qu'elle rend aussi malheureuse la plupart de mes élèves. Et même si j'aurais pu, hein, je pourrais me dire, bah voilà, je fais ce que je veux dans ma classe, j'ai envie qu'ils deviennent les meilleurs individus possibles et peu importe les savoirs. Je peux pas faire ça parce que ça va entraîner des lacunes et ces lacunes vont entraîner des... Enfin, tout ça, ça va avoir des répercussions dans leur formation, mais aussi dans leur orientation professionnelle plus tard. Dans le cadre de mon master, je travaille sur le CAP, donc le diplôme de relégation. Malheureusement, ça en est quand même un, sauf pour certaines formations. Évidemment, quand on veut être coiffeur, on ne peut faire que un CAP. Mais malheureusement, quand on est assez mauvais élève, enfin, quand on est vraiment très mauvais élève, on dirige les élèves vers un CAP et pas vers un bac pro. Et pour, de toute façon, pour les classes supérieures aujourd'hui, faire un CAP, c'est malheureusement très mal considéré. Alors que l'épanouissement au travail peut être démultiplié. Donc je sais que j'étais tiraillée entre faire tomber l'institution à l'intérieur de ma classe et les répercussions énormes que ça aura sur les élèves. Ah, t'as fait ta scolarité dans le privé ? Oui. Et t'as fait la demi-année que t'as fait en tant que professeur, tu l'as fait dans le public. Et t'as fait ton école supérieure dans le public aussi. T'as ressenti une vraie différence ? Enfin, est-ce que t'as ressenti une différence entre les deux systèmes ? Alors moi, j'ai ressenti une différence quand j'ai été assistante pédagogique. Parce que du coup, j'ai été dans un collège classé REP+, qui nous a été présenté à la pré-rentrée comme étant le pire collège de Strasbourg et le deuxième pire d'Alsace. Enfin voilà, en gros c'était pour nous dire qu'on avait plein de financements, je pense que c'était un peu ça l'idée, c'était pour nous dire, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux cette année-là. Vous inquiétez pas, vous allez tenir bon, vous allez pouvoir aider plein de gamins. Et là j'ai vraiment senti la différence. Et je me suis dit, je mettrai jamais mes enfants dans le privé. En fait, c'est terrible parce que je pense que je remercie un peu mes parents de m'avoir mis dans le privé parce que, en effet, mes parents n'ont pas du tout ce que moi je vais donner à mes enfants, c'est-à-dire de leur faire écouter la radio, d'aller dans les musées, toute cette culture du coup que j'ai acquise et aussi ce rapport au savoir parce que oui, mon père a pas ce rapport au savoir-là. Il a un rapport au savoir très matériel et très physique, mais au rapport qu'on définit comme étant légitime, avec vraiment toutes les définitions qui vont avec. Ce rapport au savoir légitime, qui est ultra représenté au sein de l'école, moi je l'avais pas à la maison. Et du coup mes parents, en sachant, je pense, qu'ils l'avaient pas, ont préféré me mettre dans un établissement qui surinvestirait ce savoir-là, pour me permettre ensuite de pouvoir l'investir normalement. Et du coup, à partir du moment où moi je peux l'investir normalement, moi je vais pas mettre mes gamins dans le privé. Oui, ils t'ont fourni les armes pour pour suivre tes futurs enfants quand tu auras des enfants. C'est ça. Donc après, je ne pense que c'est pas non plus une bonne chose parce que, évidemment, dans le privé, on est beaucoup sur la performance. Ça a été énormément le cas au lycée, beaucoup moins au collège. Parce qu'au collège, même si on m'a fait redoubler, c'était quand même beaucoup plus bienveillant que mon lycée. Et c'est pas tant que ça a une différence d'âge. Je pense qu'il y avait quand même près de la moitié d'élèves qui venaient d'un milieu social assez bas. Après aussi, à la fin du lycée, t'as la sanction du bac, qui peut peut-être donner une tension un peu plus élevée par rapport au collège. Il y a le brevet aussi au collège, tu vois, en même temps. Donc il y a aussi quelque chose... Mais le brevet, par exemple, t'es pas obligé de l'obtenir pour passer au lycée. C'est vrai. Alors que, surtout dans par rapport à la manière dont le milieu du travail est présenté actuellement en France... Oui. Le diplôme du bac est quand même est considéré comme la base pour trouver du travail. Oui, mais après, on s'en fiche de savoir si tu as passé le bac une ou deux fois, ou trois fois. Oui. Il faut savoir que mon lycée se vante de ses 100% de réussite au bac. Mais le lycée que tu as fait, c'est pas celui dont Laura était issue et que, comme elle n'était pas assez bonne, ils l'ont virée du lycée. C'est pour ça qu'ils se vantent de leur 100% de réussite au bac. Parce que c'est terrible ce qui se passe en seconde. Du coup, je connais Laura et je connaissais son niveau en seconde, de ses deux secondes. Dans un autre lycée, elle aurait pu passer, en général. Très clairement. Mais il y avait un risque qu'elle n'ait pas son bac de la première fois. Et donc Voilà. Mais de toute façon, mon lycée, c'était des coups. On n'est quand même pas sur un établissement... qui représente correctement la République française et tout ce qu'elle se veut de bienveillant, d'ouverture dans les classes sociales. Pour le coup, au lycée, on était très très peu d'enfants d'ouvriers. Vraiment très peu. Et il y a eu un entretien pour rentrer en seconde. Et je pense que je suis rentrée en seconde parce que ma troisième était un peu moyenne. Je suis rentrée en seconde parce que mes parents avaient de quoi payer. Beaucoup plus que par mon niveau. Parce qu'en même temps, même si je me faisais virer à la fin de la seconde, c'est pas grave, c'est un an, on s'en est mis plein les fouilles. Est-ce que tu penses que t'as été heureuse d'aller à l'école ? Naturellement, je dis non. Hein. Pourtant, c'est de la danse, il y a quand même eu des moments où j'ai été heureuse. Hein. Non, en fait, d'aller à l'école, non. J'ai allé à l'école, quoi. Voilà. Mais j'étais pas heureuse d'aller à l'école. Merci d'avoir écouté le troisième épisode des expériences d'école. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre application habituelle. Mettez-nous 5 étoiles et parlez de nous autour de vous. Si jamais vous souhaitez témoigner ou simplement nous donner vos réactions, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram en cherchant des expériences d'école. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse expérience au pluriel d'école tout attaché @protonmail.com. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Ce podcast a été réalisé et imaginé par Baptiste Clugéry et Charlotte Gibault. On utilise la très belle chanson d'Alain Souchon, Somerset Maugham, en ouverture et en clôture de ce podcast. À dans 2 semaines pour des expériences d'école.